le petit oiseau dans l'air craint de finir sa vie devant l'homme au fusil qui de sa mort est fier. Le petit oiseau dans l'air, le chien qui se promène, le poisson dans la mer ont les mêmes problèmes. Le petit oiseau dans l'air, le chien qui se promène, le poisson dans la mer ont les mêmes problèmes. Sur la terre, le chien a peur des coups de pied de cette société qui ne respecte rien. Le petit oiseau dans l'air, le chien qui se promène, le poisson dans la mer ont les mêmes problèmes. Le petit oiseau dans l'air, le chien qui se promène, le poisson dans la mer ont les mêmes problèmes. Le poisson dans la mer a peur de l'hameçon et des plus gros poissons qui rêvent de sa chair. Le petit oiseau dans l'air, le chien qui se promène, le poisson dans la mer ont les mêmes problèmes. Le petit oiseau dans l'air, le chien qui se promène, le poisson dans la mer